Canal Cinéma. C'est le nom. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, bravo. Attendez. La radio qui écoute tous les cinémas. Tous les cinémas. Tous les cinémas. Canal Cinéma. Cinéma. Cinéma. Cinéma. Cinéma.